Journal d'une inconnue. Livre audio gratuit, écrit et lu par Christina Schwab pour audiocité.com sous licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Nous sommes au marché aux puces de Plein Palais à Genève, en Suisse, pendant les vacances de Pâques 2010. Notre plus grand plaisir est de bagnauder, nonchalant, parmi les promeneurs et les étals. Lui devant, moi derrière, lui revenant, moi dépassant. Nos mains se frôlent, se caressent, se promettent. Mes yeux rêvent, s'égarent, se perdent, se posent, se reprennent. Vêtements divers, sculptures africaines, cônes dansants, au milieu de foulards de soie, d'étoffes chamarrées. Mon regard est attiré par un grand carton rempli d'une vingtaine de cahiers à couverture rigide noire. Sur l'étiquette du premier, je lis 1929. Ma curiosité, piquée au vif, me fait me pencher davantage. Ma main erre au hasard dans la pile. Tous mes sens en éveil, je continue mon auscultation et lis 1930, 1931, 1932, et ainsi de suite jusqu'à 1942. Mon cœur cogne fort dans ma poitrine. J'imagine déjà le trésor qui s'étale à mes pieds. 13 années d'information. Une véritable manne pour l'auteur amateur que je suis. Pour autant que ces cahiers soient remplis, ce que je vérifie de rechef. Celui que je choisis date de 1941. La page du 22 mai s'impose. Je lis. Il est si beau, mon Danny Boy. Aujourd'hui, il m'a embrassé pour la première fois. Je flotte sur un petit nuage rose. La guerre m'a pris un mari imposé que je n'aimais pas et du ciel m'est tombé un nouvel amour. J'avais oublié que les miracles existent. 30 juin. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'aux falaises d'Étretat. J'avais le sentiment qu'il allait me parler d'amour et c'est bien ce qui s'est passé. Dans le fracas des vagues, assourdissant par moments, il me hurlait des mots tendres qui devenaient de doux murmures en atteignant mes oreilles. Il m'a fait le serment que dès que cette stupide guerre aurait pris fin et que la folie des hommes se serait calmée, il mettrait tout en œuvre pour que je vienne le rejoindre dans son pays. « Tu verras comme le Dorset est beau en cette saison », m'a-t-il dit. 28 juillet. À Califourchon, sur le mur du jardin, nous avons continué à mettre au point son évasion afin qu'il puisse rejoindre son escadrille à Londres le plus rapidement possible. 15 août. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Il n'arrivait pas à y croire. Il a sauté de joie, m'a prise dans ses bras, m'a dit que je serais la plus belle maman du monde, la plus heureuse aussi. 1er septembre. Superbe journée de pré-automne. Nous avons continué notre promenade onirique dans le royaume plein de magie des anges à venir. 15 septembre, nous avons imaginé le hamac que nous fabriquerons pour notre tout-petit. Tout le bois qui aurait pu servir à un éventuel berceau a été réquisitionné par l'occupant pour le chauffage de l'hiver prochain. Nous pensons utiliser la toile de son parachute que nous avions caché dans la grange le jour où il a dû s'éjecter de son avion en flammes. 18 octobre. Ma grossesse commence à se voir. J'ai demandé à la couturière du village de me fabriquer une robe dans ce qu'elle trouverait de mieux comme tissu. J'ai réussi à réunir quelques coupons. Résultat, mon dernier a été plus qu'élogieux. J'ai bien cru qu'il n'attendrait pas la naissance de celui-ci pour passer au suivant. 23 octobre. Il m'a dit que si c'était un garçon, il l'appellerait Peter. En hommage à Peter Pan, son héros préféré. Et il m'a tout de suite fait une démonstration de saut dans les flaques, assez convaincante, je l'avoue. 14 novembre. J'ai faim, j'ai tout le temps faim. Ce soir, il a réussi à faucher pour moi quelques patates qui avaient pris le gel. J'aurais tellement voulu lui donner un bel enfant potelé. 26 novembre. Il m'a fait tellement rire aujourd'hui en me donnant un cours sur l'art de la gratouille. J'en frémis encore. 5 décembre. 3 jours que la vieille chouette d'en face ne met plus le nez dehors. J'ai compris pourquoi ce soir, quand ils sont venus chercher mon Danny. 12 décembre. Folle d'angoisse, je suis allée à la préfecture pour tenter de le voir, de lui parler. Ils n'ont pas voulu me laisser l'approcher, disent qu'il a été dénoncé comme espion. Mensonge, mensonge, mensonge. 23 décembre. Toujours absent. Comme je hais la collaboration à les collabos. Notre ami François, qui fait partie de l'équipe d'entretien de la préfecture, m'a fait passer un mot de sa part. Enfin. Je dois garder l'espoir, m'écrit-il, et faire preuve de patience et d'humilité face à l'ennemi, pour ne pas nous mettre en danger. C'est si difficile, ne pouvais-je m'empêcher de penser. 25 décembre. Toujours sans nouvelles. Vivo ? Mort ? Comment vais-je faire ? Que vais-je devenir avec notre petit ? Cet éloignement est insupportable. Je ne pourrai pas tenir encore très longtemps dans une incertitude aussi cruelle. 29 décembre. Ils m'ont fait venir à la préfecture. J'ai craint le pire un moment pour le bébé et pour moi. Mais non. Après 5 longues heures d'attente, le commandant m'a seulement dit avec un sourire sadique qu'on allait échanger mon Danny contre un espion allemand. Et qu'il se faisait fort de faire en sorte qu'il soit fusillé par les siens ensuite, pour haute trahison. Pendant tout ce temps-là, je ne pouvais m'empêcher de penser. Alors c'est que mon Danny est vivant. Mon Danny est vivant. Ah, j'ai eu bien du mal à cacher ma joie. 16 janvier 1942. La vieille chouette d'en face continue son manège de fidèle collabo. Mais plus rien ne peut m'atteindre désormais. Il est sauvé, mon Danny. Loin d'avoir été fusillé, il a reçu une médaille. Il m'a enfin écrit « Il va bien ». Il prépare notre nid. Toute sa famille m'attend. Dès que nous le pourrons, nous partirons, Peter et moi. Vivement que cette guerre finisse. Alors, bonne pêche ? Qu'as-tu trouvé de beau ? J'ai sursauté. Le journal dans mes mains s'y tue. Je le ferme et le repose parmi les siens. Puis nous continuons notre balade. Je suis encore un peu étourdie. Pendant quelques minutes, j'ai vécu la vie de cet inconnu avec une telle intensité que j'ai un peu de peine à revenir dans la mienne. J'ai même un instant l'illusion furtive de sentir le frôlement d'un petit pied à l'intérieur de moi.